Je ne sais pas par où commencer, comment finir ce que j'ai commencé. Commencer à partir quelque part, partir et commencer ailleurs en retard. À quelle heure je dois commencer à penser, pourquoi commencer? Des questions et des réponses à commencer par je sais comment c'est, quand c'est, comment c'est. Comment c'est, quand c'est, comment c'est. Je sais pas. Je sais pas reconnaître le début de quelque chose, cerner les pourquoi j'ai commencé, aboutir à la fin de certaines clauses, choisir pour voir comment c'est. Quand on commence à agir, y a rien qui commence vraiment. Pourtant la peur délire arrive et commence quand même lentement. Et plus c'est lent et plus on pleure, le commencement des sentiments. Et les portes qui claquent expirent en sueur, des inspirations de commencement, des inspirations de commencement. T'es sûre? Parce que tu devrais... Quoi faire maintenant de ce qui emplit nos corps en plein remaniement? Et quoi dire quand l'autre refuse et nier de commencer à penser, à vivre sans, sans rire, de commencer à rougir dès qu'il y a les mots? Pourquoi pas? Pourquoi la suite inspire souvent le pire alors que la fin ne se voit pas? Je ne sais pas par où commencer. Arrête. Comment finir ce que j'ai commencé? Mais je vais commencer à réfléchir. Comment et pourquoi y arriver? Bah vas-y. Dernière question qui m'aspire. Et il faut aller se coucher. Seulement comment ne pas penser au pire? Quand commencer c'est renoncer. Non, quand commencer c'est renoncer. Ah, je sais pas.